old man. I play my lonely song just like an old man. I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Dans l'allée tout au fond, à six pieds sous terre. À deux on se morfond, moi j'avais petit un autre style. J'avais mon style, toi t'avais ton style. So, écoute. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style? Charlie Winston sur LRJ avec Dusty Ben. Il est 10h. Dans la course avec les Sport News sur LRJ. Eh oui, c'est nous. Et voici les Sport News avec JF. Sport News. Et une émission spéciale, je vous disais ce matin, nous sommes au Vital Sport de Saint-Martin-Boulogne pour parler sport naturellement, puisque Decathlon, vous le savez, tous les ans organise Vital Sport. On va parler naturellement de football, on va parler de basket avec nos invités, ils viendront nous rejoindre. On va parler également kayak avec le vice-médaillé, médaille d'argent Maxime Beaumont, qui viendra nous rejoindre également dans l'émission. Et puis il y a également les fléchettes qui sont représentées. Et avec nous, eh bien, nous avons le président du club de Calais qui va lui-même nous présenter son club. Alors, monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre club, parce que vous êtes juste à l'entrée et on peut s'exercer? Oui, alors le Darts Club du Calaisis, c'est une association loi 1901, créée depuis 96-97, je ne sais plus exactement, donc par une équipe qui s'appelait les Boomerangs. Donc on est une équipe de fléchettes multi-cibles, hein. On a commencé sur cible électronique anglaise. Après, on a joué en cible traditionnelle et maintenant, on est reparti en cible électronique, cette fois-ci américaine. Vite fait, on a été jusqu'à 40 licenciés. Au niveau palmarès, on 99 vice-champion de France multi-cible à Saint-Malo. En 2008, champion de France niveau départemental par équipe. On a eu une doublette également qui a été championne de France au plus haut niveau, au niveau élite. Et l'année dernière, donc champion de France par équipe niveau L2, encore une fois. Et puis cette année au championnat de France, donc France Darts, mon fils qui a fini en poste alors. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Évidemment, toute la famille est aux fléchettes. Il est parti à l'école, il a sport. Bah, Vital Sport, il a sport aussi. Quart de finaliste en junior. On a la tendance à dire qu'en ce moment, les cafés, on s'amuse dans les bistrots un peu aux fléchettes. C'est devenu vraiment de la compétition, de plus en plus. Oui, c'est vraiment de la compétition. Donc, il y a tout au long de l'année une compétition locale. On reçoit les gens dans la région, on se déplace dans la région pour se qualifier après pour aller au championnat de France. Les objectifs de votre club? L'objectif du club, c'est continuer à avoir un bon palmarès, donc essayer de décrocher à nouveau un titre de champion de France, en individuel, doublette ou équipe. Alors Julien, qui était avec nous, Julien a des ambitions dans la fléchette, ou c'est un bon joueur? Oui, c'est un bon joueur, il faut qu'il ait un peu plus d'expérience, il fatigue rapidement, mais il a que 12 ans. Il aimerait bien faire mieux que son frère, hein, donc son frère qui a 16 ans, qui était quart de finaliste. Alors Julien, bonjour. Bonjour. Alors justement, pourquoi les fléchettes? Parce que le président est bien placé et qu'il fallait à tout prix jouer aux fléchettes, ou tu aimes ce sport? Parce que c'est un sport. Bah, j'aime ce sport et aussi le président m'a aidé à aimer les fléchettes. Et du coup, bah, c'est pour ça que je joue maintenant aux fléchettes. Alors à chaque fois, c'est le 1000, c'est le centre pour toi, ou bien il y a encore des petits écarts? Ouais, il y a encore quelques petits écarts, mais c'est encore tout proche. Et sinon, oui, c'est toujours dans le mille. Alors, ce sont vraiment des fléchettes de compétition. Est-ce que tu peux nous présenter une fléchette, nous la décrire, cette fléchette? C'est vraiment des fléchettes de compète? Oui, c'est du 18 grammes avec... Alors en fait, il a appartenu à la leçon. Ouais, non, ben, en fait, généralement, on sait très bien que c'est des fléchettes, c'est avant tout un jeu de café. Donc dans les cafés, on a des fléchettes qui sont tout en plastique, vraiment assez légères et résistantes. Après, avec l'expérience, on change de fléchette, on prend des fûts plus ou moins épais, plus ou moins longs, le poids change aussi. On a les ailettes qui changent, chaque joueur préfère un type d'ailette, chacun a vraiment son matériel, et ça coûte pas aussi cher en investissement qu'un matériel de d'autres sports, hein, qu'une raquette de tennis ou des choses comme ça, mais ça peut aller quand même. Il y a certaines fléchettes qui coûtent jusqu'à 150 euros. Julien, combien d'heures d'entraînement chaque semaine pour toi? À peu près, après les cours, après les devoirs, à peu près 2 heures. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup à vous deux d'être passés dans l'émission. Ça a été, vous voyez? Ouais. Merci beaucoup. Impeccable. Merci. Et puis, retour dans un instant. On va parler basket. On va parler également kayak et canoë. Et Maxime Beaumont sera là. Et puis, Karine qui va nous faire petit le jingle. Salut. Oui, vous allez voir, c'est vraiment marrant. Tout ce qu'elle sait faire au micro, elle le fait dans le magasin. On demande, allez-y. Vendeur nautisme et demande à l'accueil. Vendeur nautisme, merci. Voilà, c'est la voix de l'accueil. Merci, on se retrouve dans un instant avec naturellement d'autres sports. A tout de suite sur Énergie. Merci JF, tout de suite retour à la musique. On démarre cette émission avec Charlie Puth, Cashmere et Milo. Merci d'être avec nous jusque 12h sur Énergie. Sport News. Toute l'info sportive du Nord Littoral avec JF. Sport News vous a été présenté par votre agent général AXA Assurance Bertrand d'Ambricourt, place Foch à Saint-Omer. Énergie. We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore, what was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Like me, there must be a good reason that you're gone.

Numéro 1 pour les nouveaux hits. Are you ready? Et vous découvrez en même temps que nous, voici Milo qui n'est pas sur la Terre mais sur la Lune. Bonne matinée tout le monde. Des rues de Mexico au carnaval de Rio, on ne peut pas se manquer, partout on entend l'écho. Dans quelques heures on sera dans les airs quelque part, je n'emporte que tes bras et sur mon dos ma guitare. Ce rêve en tête, et maintenant tu t'entêtes. Sois légère comme une plume. Laisse-toi tomber en arrière. Tu la lune. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get plage d'Hawaï, sur le palmier de Dubaï, à deux on imaginait un petit monde à notre taille. Allons faire le tour du monde et pas dans quelques secondes, pas le temps d'hésiter, de nous faire tourner en rond. On avait ce rêve en tête et maintenant tu t'entêtes. Sois légère comme une plume, laisse-toi tomber en arrière et confiance en tes airs. Suis-moi, suis-moi sur la lune. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. On vient de se faire plus de 40 minutes de hit à la suite. Dès ce soir, 20h, c'est l'Energy Extravagance qui va démarrer avec tous vos hits remixés spécialement pour vous. Et puis dès lundi, c'est le retour de Manu dans le 6-9 dès 6h, avec, qui va vous doubler également votre salaire. Retour de vos plus de 40 minutes de hit à la suite dans moins de 2 minutes sur Energy. Merci d'être avec nous. Découvrez ce soir sur Energy les hits les plus regardés sur YouTube. En France, c'est le hit. C'est le hit Énergie. 17h, 19h. Tous les samedis. Énergie vous diffuse les 30 hits les plus regardés en France sur YouTube. C'est trop bien. Énergie. Du 10 au 20 septembre, chez Ford, profitez d'un crédit à 0% sur la... Hop, il m'en faut plus. J'aimerais une musique western. Crédit à 0% sur la gamme et plein d'offres exceptionnelles. Et avec une voix de film américain. Ok, ça biche, mec. Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 18 selon autorisation. Crédit auto 0%, 2000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 euros, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit et acceptation du dossier selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec. But présente le magique anniversaire. Et ce vendredi s'annonce magique. Dès 19h, soirée VIP en magasin avec cocktail de prix incroyable. Pour participer, inscrivez-vous sur But.fr et recevez un cadeau sur présentation de votre invitation. Moi, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. Offre valable sur présentation de l'invitation et jusqu'à épuisement des stocks, voire conditions en magasin ou sur But.fr. Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. Mais c'est quoi ces bouteilles, ces caisses en bois? C'est la foire au vin Carrefour Market, Michel. Ça commence demain jusqu'au 2 octobre. On va découvrir les secrets des domaines et la sélection de vins Carrefour Market à petit prix. Dites-moi plus! Par exemple, le Château Bel Air Gloria au Médoc Cru Bourgeois 2014 est à seulement 8,99 €. Un vin aussi à ce prix-là? Vous connaissez bien votre domaine. Carrefour Market. Bouteille de 75 centilitres disponible dans les drives Carrefour Market, voire produits. ce mois-ci, la TVA s'est pris une bonne gaufre chez Socook. Du 7 au 30 septembre, Socook vous offre la TVA sur toutes ses cuisines équipées. Adieu TVA, cette fois c'est cuit pour toi. Concoctons et qui en France, à retrouver sur socook.com. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des sions des 50 euros d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Je suis la remise exceptionnelle de 20% de chez Castorama. Oui, moins 20%. Et ce week-end, j'ai décidé de me poser sur tous les luminaires et tous les carrelages. Et on va embellir votre maison. Oui. Alors rendez-vous chez Castorama demain et jusqu'à dimanche pour profiter de 20% de remise sur tous les luminaires intérieurs et extérieurs et tous les carrelages sol et mur intérieurs et extérieurs. Vite, lancez-vous! Hors ampoule, interrupteur, accessoires école, hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr, liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi avec Orange Cash en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et ben nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. 3. Kia. Imaginez l'efficacité énergétique d'un hybride et le plaisir de conduire d'un crossover au sein d'un même véhicule. Nouveau Kia Niro, 100% crossover, 100% hybride, à partir de 277 euros par mois. Kia. 1000 km pour un Kia Niro actif. Premier loyer majoré de 3510 euros, bonus écologique déduit et 48 loyers de 277 euros. Si acceptation par CGL Sirène 303 236 186, conditions sur Kia.com. Kia Saint-Omer, Garage Lemoine, zone industrielle du Format et Bois à Longnes. Portes ouvertes ce week-end. Pour une rentrée tonique, Énergie Nord Littoral vous offre un an d'abonnement de remise en forme. Cette semaine, en écoutant la matinale Énergie entre 9h et midi, gagne ton abonnement dans ton club de sport Opalform. Gardez la ligne avec vos clubs Opalform de Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer. Opalform, le sport qui nous va bien. Et alors, pour finir ma sélection, je clique un véhicule entre 15 000 et 30 000 km et hop, je valide ma recherche. Merci Sofida.fr. Et maintenant, je file chez Citroën Saint-Omer pour découvrir et essayer ma future voiture. Chez Citroën Saint-Omer, bénéficiez des services du label Citroën Select. Des garanties sur mesure et financement personnalisé sur un grand choix de véhicules d'occasion toutes marques et pour tous les budgets. Quand on cherche une occasion, autant faire appel à un vrai spécialiste. Voir conditions chez Citroën Saint-Omer, route de Calais à Saint-Martin-Aulard. Mike, mardi, j'ai promis à Noémie de l'emmener à la piscine et vendredi, j'ai mon cours de fitness, mais jeudi, ok? Tout ça cette semaine? Ben oui, j'ai le pass intensité Cénéo. Il me donne droit à toutes les activités au choix et en illimité. En ce moment, au complexe Cénéo, abonnez-vous maintenant et ne payez qu'en 2017. Bénéficiez également jusqu'à 3 mois offerts pour toute souscription à un pass durant la quinzaine de la forme. Renseignements et inscriptions jusqu'au 2 octobre au complexe Cénéo. Cette semaine, écoutez la matinale énergie et tentez de gagner vos entrées et un an d'abonnement d'activités wellness et aquatique à l'occasion de la quinzaine de la forme Cénéo. Auto Expo Hasbrook, votre distributeur et réparateur agréé exclusif pour la marque Skoda. Venez découvrir et essayer toute la gamme Skoda, de la Citigo à la Superbe, ainsi que les services de la concession Auto Expo sur plus de 8000 m². Auto Expo Hasbrook, avenue de Saint-Omer. Faites confiance à un professionnel, présent depuis plus de 50 ans. Et découvrez aussi notre site auto-expo.fr. Pour 1 euro, on a quoi aujourd'hui? Le pain de campagne de 500 grammes aux boulangeries de Marie Blachère, maman. Pour votre santé, bougez plus. Boulangerie de Marie Blachère à l'Ombre, Saint-Paul-sur-Mer, Aire-sur-la-Lys. Ce week-end, rendez-vous à la foire commerciale d'Aire-sur-la-Lys. Retrouvons en direct André Louilly, président de la foire. Effectivement, la foire commerciale d'Aire-sur-la-Lys, c'est jusque lundi. Une 45e édition avec une centaine d'exposants, des professionnels que vous côtoyez au quotidien, des prix foire. Cette année, le temps fort, c'est la magie. Des ateliers, du closer sur la liste jusque lundi, la foire commerciale. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Suite sur Allergie, c'était 21 Pilots. Q sportive et réaction à chaud dans les Sport News. Et on part, je veux retrouver JF en direct de, du Vital Sport à Boulogne-sur-Mer avec un invité de marque. C'est Maxime Beaumont qui est avec JF. Et oui, Maxime Beaumont qu'on va retrouver dans un instant. Et nous avons Barbara qui est avec nous à mes côtés. Barbara, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes au stand du BCK. Hein. On peut présenter le club puisque tu vas naturellement et tu travailles au club. Oui, alors le Boulogne Canoë Kayak, hein, c'est un club olympique accessible à tous, donc qui propose aussi bien de la course en ligne en compétition, mais qui propose aussi des loisirs comme le longe-côte, le kayak de mer, tout ce qui tourne autour des activités nautiques. Alors combien de disciplines justement représentent le BCK? Ouais, il y a environ 5 disciplines. Après, on accueille aussi tous les scolaires, tout ce qui est groupe, donc... aussi des activités un peu plus commerciales. Alors qu'est-ce que ça fait pour toi qui travaille au club d'avoir un vice-champion médaillé olympique qui est Maxime Beaumont qu'on va retrouver? Alors le club, ça fait longtemps qu'il attendait cette médaille hein, depuis Didier Ollier, donc forcément tout le monde est fier et tout le monde est content. Donc, c'est une belle, en plus c'est une belle vitrine pour le club, donc puis Maxime est très bien. Donc, Et on est fier de lui. Tout à fait. Maxime Beaumont est avec nous. Maxime, bonjour. Bonjour. Salut Jeff. Ça va? Je suis content de te retrouver. On était avec nous, avec toi la semaine dernière. Mais là, en direct avec nous, c'est rare. Hein. Généralement, on fait en enregistré. Alors Maxime, qu'est-ce qui te reste naturellement et, de ces moments merveilleux des JO? Oh bah, c'est plein de souvenirs en tête. Hein. Évidemment, on pense à sa course, on pense au podium, on pense à l'accueil qu'on a eu quand on est rentré en France et surtout à Boulogne-sur-Mer. Que des bons souvenirs. Alors quand tu parles, généralement, il y a du monde qui arrive, c'est normal? Pardon ? Quand tu parles, il y a généralement du monde qui arrive, c'est normal ? Ouais, un petit peu. Alors, justement, maintenant, médaille d'argent, c'est ce que tu espérais, je le sais, depuis très très très longtemps. Il te reste maintenant à conquérir l'or, que ce soit dans un championnat. L'or, tu vas y arriver, j'en suis certain. Bah exactement, c'est l'objectif d'après, hein, étape par étape. J'aurais voulu aller chercher l'or dès cette année, mais il va falloir encore attendre un petit peu. Prochain jeu olympique ? Oui, pourquoi pas, ouais. En tout cas, si le corps suit, on y va. Moi, c'est vraiment une ambition, j'ai vraiment envie d'y aller. Et maintenant, on va prendre année par année, mais l'objectif, il est là, ouais. Alors, maintenant, tu es revenu à Boulogne, au Vital Sport. Ça représente quoi, justement, le Vital Sport pour toi? Tous les ans, tu viens à BCK? Oui, tous les ans, j'essaye de passer, quand le calendrier le permet. En général, ça se passe plutôt bien, j'y participe tous les ans. Et pour moi, je pense que c'est vraiment un week-end très important pour le sport boulonnais parce que ça permet à tous les jeunes de leur montrer toutes les activités sportives qui peuvent pratiquer dans le Boulonnais. Et ça, pour moi, c'est super important, surtout avec dans le contexte actuel où nos générations, nos jeunes générations sont plutôt portées sur l'informatique et tout ça. Ça fait du bien de voir là, même aujourd'hui, sous la pluie, il y a des petits jeunes en face de moi là qui sont en train de pratiquer et ça fait vraiment plaisir. Voilà, le BCK, naturellement, c'est ton club cher, naturellement, à Maxime Bonbon. Et puis, la présidente que tu connais bien. La présidente que je connais bien, puisque c'est ma femme, que je pratique le canoë-kayak, et avec toujours le même plaisir et la même envie. Prochaine compète ? Oula, prochaine compète, c'est dans un petit moment, là, je suis encore en repos. Ah, donc, prochaine compétition, ce sera... La prochaine compétition importante, ce sera vraiment au mois de mai, avec les sélections nationales. Après, entre-temps, il y aura sûrement des compétitions au niveau régional. Peut-être le 8 octobre, mais j'en suis pas encore sûr. Merci beaucoup, Maxime, d'être passé dans l'émission. On rappelle, Vital Sport donc à Saint-Martin-Boulogne, dédicace durant toute cette matinée. Oui, bah là, je suis là jusqu'à peu près midi. J'ai mes cartes postales. La médaille. J'ai la médaille, j'ai mon crayon, je suis prêt, vous pouvez passer au stand, il n'y a pas de souci. Voilà, le stand du BCK tout au long de cette matinée, naturellement, avec Maxime Beaumont. Maxime, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi, JF. Merci à toi, salut. Tout de suite, retour à la musique sur Énergie. Bon week-end. Merci d'être avec nous ce matin en direct de Saint-Martin-les-Boulogne, bien sûr, en direct du Vital Sport. Merci, mon petit JF. Tout de suite, retour à la musique, comme tu viens de le. To land after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, save me. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça

poils, de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu pharisies. C'est plus de Nîmes mais Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite la manif. Les petites grimaces et puissances. Plongé dans le monde de la nuit, de la... Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. Gros, toi et moi, on n'a rien à voir. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es là. Et j'ai trop bu, je vais m'asseoir. À croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pire, pire. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Dans un monde où je m'attends dans la merde. J'ai esquivé les ennuis. Toute la nuit, j'ai esquivé les ennuis. Alors ma jolie, folie, folie, folie, folie. Toute la nuit, j'ai rôdé dans Paris. Avec Bédic, Nadjou et Da. On l'adore ce son, Maître Gims et Jules, c'était Boucan. Et voici JF au Vital Sport, qui se trouve en direct du Vital Sport. Vas-y. Nous sommes en direct du Vital Sport, eh bien, à Saint-Martin-Boulogne, Décathlon, naturellement, vous avez créé sur son parking pour le Vital Sport, on peut découvrir naturellement du football, on sera dans un instant avec l'USBCO, nous allons parler le stand en dédicace, et puis nous allons parler boxe avec le président de deux clubs, les Abates et puis les Cerdans. Et voilà, donc bien c'est Bertrand qui est avec nous. Bertrand, bonjour. Bonjour. On va parler boxe. Vous en faites depuis combien de temps? J'ai pas intérêt à vous chercher bagarre. Non, ça reste un sport, ça reste un sport. Le but n'est pas de... On ne se bat pas, on pratique une activité sportive, vu ces derniers jours à Rio. Et c'est le grand engouement, donc avec les armes, ce sont les poings. Le but est de toucher l'adversaire sans être touché. La boxe, c'est pas que frapper. Alors, quelles sont les disciplines, justement, de la boxe dans les Cerdans? Alors, chez les Cerdans, on pratique la boxe amateur, la boxe éducative pour les plus jeunes, boxe loisir pour ceux qui n'ont vocation qu'à se défouler, et l'antiboxe. L'antiboxe? Alors, c'est en fait un appareil qui sert surtout chez nous aux antiboxeurs, puisqu'on a par exemple Patrick Léchevin qui était champion de France et plusieurs fois médaillé en championnat de France, médaille de bronze les deux dernières fois. Et Patrick s'entraîne donc sur des cibles électroniques, donc avec des lampes qui s'allument régulièrement et il faut frapper dans les lampes. Et c'est une discipline aussi qui est utilisée pour le championnat de France handiboxe. Avant de parler avec Kevin qui va venir nous rejoindre, qui démarre dans la boxe, hein, les 2 ans, 3 ans, il démarre, il y a des grands champions. Donc Patrick, on a eu Jean-Marie qui a fait championnat de France en élite, qui était vice-champion de France en élite. Là, je ne parle que de la boxe. On a plusieurs titres régionaux à notre actif, tant chez les filles que on va essayer d'en gagner d'autres. Il y en aura d'autres, là. Peut-être Kevin. Oui, par exemple. Deuxième club, c'est les Savates. Alors la Savate, donc moi en fait, je suis. Dans les deux, coup boulot. Voilà, je suis précis le basket. La boxe, c'est que les poings. La Savate, c'est les poings et les pieds. Donc le club de Savate au Portel est beaucoup plus vieux puisqu'il aura 100 ans dans 9 ans. Donc on prépare ça. On va essayer de faire ça. Il y a à peu près 120 à 150 licenciés, dont Kevin, qui est un jeune compétiteur, puisqu'on peut commencer dès l'âge de 8 ans. Alors Kevin, qu'on va retrouver, on va donner également le numéro de téléphone pour s'inscrire au club, on sait jamais, les gens qui nous écoutent ce matin. Alors toi, tu fais partie du club des Sabates? Ouais, c'est ça, je suis partie du club des Sabates, boxe française au Portel. Alors, grand club, et des ambitions justement, un jour tu vas être un grand champion comme Bertrand qui est le président? Bah peut-être, pourquoi pas, si y a voyage d'y arriver, champion de France, peut-être plus haut. Jusque maintenant, tu es arrivé à quel niveau en boxe? Pour le moment, je fais que les Coupes de France, tout ça. Tu commences quand? C'est vers le mois de février, je crois. Tu m'invites pour le premier combat? Bah, c'est pas loin. Moi, je suis Saint-Omer, donc tu m'invites, c'est pas loin, Saint-Omer, le Portel. Bah non, ça va. Quel sportif de ton club ou un autre sportif de la boxe que tu apprécies et que tu aimerais rencontrer? Tony Yoka, par exemple, qui est champion. Médaille d'or. Il y a une belle médaille, hein. Je veux dire, si tu le rencontres, t'as la chance, mec, une photo, tu me la feras voir. Hein. Ouais, bah c'est sûr, ça sera toujours bien. Je suis pas loin d'ici, je crois. Non, ça va. Merci beaucoup, Kevin. Alors, prochain combat, c'est pour quand? Entraînement, combien de temps? Bah, l'entraînement, c'est mercredi prochain, et le combat, je sais pas quand. Oh, voilà, ce sera bientôt, Bertrand va nous le dire. Hein. Est-ce que tu peux programmer un combat? Ça va bientôt arriver, ouais. Je pense que début novembre, fin octobre, début novembre, ça va commencer. Bertrand, pour terminer, un numéro de téléphone où on peut s'inscrire, une adresse, comment peut-on faire pour arriver? Il faut se rendre salle Charlumez à Outreau, c'est à côté de la piscine d'Outreau le Portel. Donc salle Charlumez, on peut venir le lundi, mercredi et vendredi, et il y aura des renseignements pour les deux clubs sur place. Sinon, le numéro de téléphone, c'est le 06. Le rendez-vous est pris. Nous sommes en direct du Vital Sport à Saint-Martin-Boulogne pour naturellement découvrir un sport. Mis à part la boxe, c'est quoi que vous suivez? Le foot? Mis à part la boxe, vous aimez quel sport encore? Ah, j'aime bien le crossfit, j'aime bien tous les sports. Les amis de la Zumba, c'est très familial le Vital Sport et on s'entend bien avec tout le monde. Il y a le karaté à côté avec Philippe. J'aimerais bien te voir faire un peu de Zumba. Je l'ai fait et tous les ans ils me demandent, mais je fais figure. Alors, tu manges cher. Voilà, je demande cher. Merci beaucoup Bertrand, merci à toi. Tout de suite, retour à la musique sur Énergie. Bon week-end, merci Kevin. Rien. Et à bientôt. À bientôt. Tout de suite, retour à la musique. Et c'est basket dans un instant. Les SOMB qui devraient arriver. Et on va parler également au football avec l'USBCO. Tout de suite, retour à la musique sur Énergie. Bon week-end. On se retrouve dans un instant. Merci beaucoup, JF. Tout de suite, retour à la musique. Comme tu viens encore une fois de le dire, avec Feder et Kids United sur Énergie. Pop, R&B, dance. Sur les nouveaux hits. Cachemire. Dua Lipa. Dans un instant. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Strong on my face, I tell them, don't. We love, that's my place. Nothing but love under the sun. And once we run the show, sure, everyone will know, sure, that we will be the ones. Sure. Everyone will know, sure, that we will be the ones that hold the highest truth. In my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. True. Énergie numéro 1 pour les nouveaux hits. Are you ready? Et vous le découvrez en même temps que moi, voici le nouveau Kids United, tout le bonheur du monde, reprise de Sin Semilla sur Énergie. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes qui mènent vers de calmes jardins. Eh oui, c'est Lou. On fait du sport et on écoute plus de 40 minutes de hit à la suite. Voici tout de suite pour vous DJ Snake et Boosty. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let

now I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the level changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the level changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Why? Jonas Blue à l'instant sur NRJ et on retrouve JF en direct du Vital Sport. Sport News. Nous sommes en direct du Vital Sport à Décathlon avec les joueurs de l'SOMB qui viennent d'arriver. On est en train d'installer naturellement les tables pour les dédicaces. Vous allez pouvoir les découvrir tout au long de cette matinée, bien sûr, avant d'arriver à midi. Nous avons avec nous deux jeunes recrues de l'SOMB. Eric, bonjour. Bonjour, moi c'est Cédric André. Cédric qui vient d'arriver à l'SOMB et nous avons un joueur également qui vient d'arriver, on va le présenter. On l'a vu la semaine dernière, il est avec nous puisqu'on l'a rencontré au BCM. Bonjour, je vais Alexandre Moisy et voilà. Voilà, Alexandre, je crois que Germain compte beaucoup sur toi, il m'a dit. Ouais, j'espère. Hein. Alors, la compète n'est pas encore démarrée, c'est dans quelques semaines, hein, ça va démarrer. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe est prête pour démarrer ce championnat, toi qui viens d'arriver? On est encore en phase de préparation. On a fait 4 matchs amicaux et là hier on a eu le premier match de Leaders Cup qui est aussi un match de préparation mais qu'on avait à cœur de gagner. On l'a gagné et c'est tant mieux. Alors il y a le Hollandais qui va arriver. Est-ce qu'on va pas redémarrer encore une phase de préparation d'osmose avec le nouveau joueur? Va y avoir une phase d'ajustement parce que voilà, il va y avoir un moment où il faut qu'il connaisse tous les systèmes. On va apprendre à jouer avec lui. Mais non, c'est pas une nouvelle préparation, c'est juste lui qu'il va falloir qu'il s'adapte, mais je pense que ça va se faire assez facilement. C'est pas dangereux dans le championnat, justement, que le joueur arrive juste au démarrage du championnat? Il arrive, je crois, prochainement, très très vite. Ben non, je pense pas, parce que le championnat commence le 15 octobre, il reste à peu près 3 semaines, donc vu que c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui connaît le haut niveau, il va pas mettre du temps à s'adapter, donc franchement, c'est pas un souci. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de l'équipe? Elle est bien composée, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette équipe. On peut la décrire comment, cette équipe, cette année? Oui, elle est très bien construite. On a de l'expérience, de la jeunesse avec nous. Avec toi? Voilà, avec nous, ça. Donc voilà, on a des gars qui connaissent le niveau, d'autres qui ont joué plus haut, à un plus haut niveau. Et voilà, je pense qu'elle est vraiment bien faite. On est composé de 10 pros voilà, à part entière. Donc je pense qu'elle est vraiment bien faite et je pense que... On peut vraiment avoir une grosse ambition. On peut revenir sur le match d'hier. Un petit démarrage qui n'a pas très bien démarré, mais après ça a été un peu mieux. Qu'est-ce qui peut justifier ça dans l'équipe? Franchement, je ne sais pas. Au premier quart d'heure, on a eu du mal à rentrer dedans, notamment en défense. On a encaissé 27 points, c'est trop. Après, à la mi-temps, le coach nous a parlé et tout. On a fait des ajustements. Et troisième quart d'heure, quatrième quart d'heure, ça a été la plus belle. Un résultat sur le fil. Ouais, c'est clair, sur le fil. On a gagné 2 points. Mais la victoire, c'est la victoire, alors. C'est l'essentiel. Premier match, on peut dire que tout est prêt pour cette première rencontre. On sera attendu, c'est ex-Morienne, je crois, le premier match. Tout est prêt pour cette rencontre. On l'espère, on le souhaite. C'est l'essentiel, c'est d'être prêt pour le premier match du championnat. Qui plus est à domicile. Donc, il y a pas moyen de perdre à domicile. Donc, voilà, on fait les ajustements pour. Il nous reste 3 semaines pour bosser. Et voilà. Alors, vous connaissez bien le championnat. Est-ce qu'il y a une équipe particulière qu'il va falloir se méfier cette année? Au vu des matchs de préparation, je pense que la chorale de Rouen va être une bonne équipe. Ensuite, plusieurs équipes, il y a Bourg-en-Bresse, et voilà, faudra compter sur nous aussi, parmi les favoris. Sur toi également. Ouais, sur nous tous, oui. Et puis l'entraîneur est là également. De bons joueurs? Je suis pas entraîneur, je suis assistant. Assistant, c'est pareil, c'est les entraîneurs. Un bon joueur, je voulais savoir c'est quoi les critères pour être un bon joueur, déjà. Bon, faut lui demander c'est quoi les critères pour être un bon joueur. Avoir une belle coupe de cheveux, je crois. Ah là, ça a réussi, hein. Donc voilà. Ça veut dire que la sienne n'est pas bonne? Ça veut dire qu'il dit que la sienne n'est pas bonne. Elle est au top. Fayot, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Rendez-vous pour le prochain match, n'oublie pas, c'est Aix-Maurienne, 14.

C'est tout vu, c'est Vulco. Pour mon entretien auto, c'est vu, c'est Vulco. Pour les prix et pour les pros, c'est vu, c'est Vulco. Pour profiter d'une promo, c'est vu, c'est Vulco. En ce moment, chez Vulco, le pneu Goodyear toute saison est au prix du pneu été. Avec en plus un an de garantie et assistance, la route plus sûre offert. Pour être en sécurité, quelles que soient les conditions climatiques, ne manquez pas cette belle affaire. Détails dans les centres participants et sur vulco.com. Pneus et entretien auto, c'est tout vu, c'est Vulco. Offre soumise à condition. Du 10 au 17 septembre, c'est la semaine des bonnes affaires chez Electro 43 à Tilk. Profitez de nombreuses remises sur tous les équipements de la maison. Jusqu'à 100 euros sur l'électroménager, 25% de remise sur la gamme Tefal. Mais aussi jusqu'à 30% de crédit d'impôt pour l'achat d'un poêle à bois ou à pellets. Et des remises supplémentaires sur les cuisines et salles de bain. Venez vite faire de bonnes affaires pendant la semaine commerciale du 10 au 17 septembre chez Electro 43 à Tilk. Voir conditions en magasin. Elle est sympa cette petite voiture. Tu t'imagines au volant ? La liberté. Eh bien, passe ton permis avec ECA, l'école de conduite audomaroise. Avec ECA, le permis, c'est permis. Une équipe super pro, super sympa et des tarifs vraiment très doux. Alors, ce permis. Permis auto, moto, cyclo ou remorque ? Rendez-vous à l'école de conduite audomaroise, 12 rue d'Arras à Saint-Omer et 4 rue Émile Zola à Longnes. Info sur ECA-autoécole.com. C'est quoi tous ces sacs de colle dans l'entrée ? C'est la rentrée d'école. Tu te crois malin ? Mais je t'assure, la rentrée d'école chez Tendance Carrelage, c'est moins 40% sur l'école. Moins 40% ? Ah oui ! Mais tu vas en faire quoi de toute cette colle ? Je vais m'en servir pour coller le carrelage à moins 20% que j'ai acheté chez Tendance Carrelage. Oh mon chéri ! Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? En septembre, chez Tendance Carrelage, c'est moins 40% sur l'école et moins 20% sur les carrelages. Voir conditions chez Tendance Carrelage au pied du Mont Cassel, ZA du Péquel à Hardifort et sur tendance-carrelage.com. Dimanche, les drivers font leur retour à l'Hippodrome des Bruyères. La victoire très nette après photographie de Topaz Blanche. Rendez-vous à partir de 14h ce dimanche sur l'Hippodrome des Bruyères de Saint-Omer où plusieurs courses de trot sont au programme. Combien font 5 croissants plus 5 pains au chocolat ? 5 euros au boulangerie de Marie Blachère, maman. Pour votre santé, bougez plus. Boulangerie de Marie Blachère à l'Ombre, Saint-Paul-sur-Mer, Aire-sur-la-Lys. Bouffe pas, tes hits reprennent le contrôle sur énergie. Ce week-end, rendez-vous à la foire commerciale d'Aire-sur-la-Lys. Retrouvons en direct André Louilly, président de la foire. Oui, c'est parti pour la 45e foire d'Aire-sur-la-Lys. Une centaine d'exposants, des prix foires, des conseils. Cette année, le thème, la magie, avec des ateliers de magie ouverts à tous en matinée, un concours et une demi-finale en fin d'après-midi. Et pour les plus chanceux, ce week-end, deux voyages à gagner et une voiture. La foire commerciale d'Aire-sur-la-Lys, c'est jusque lundi. Énergie, ma radio, ma ville. À Saint-Omer, 102.3. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, je fais une grande écart de vandale. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme mes trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. tu me touches rien. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu. Numéro 1 pour les nouveaux hits. Are you ready? Je vous laisse apprécier le tout nouveau The Chainsmoker sur NRJ, ça s'appelle Closer. Merci d'être avec nous dans les Sport News. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop, no. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. The Chainsmokers sur NRJ. Les réactions et commentaires à chaud, c'est dans les Sport News. JF qui se trouve en direct du Vital Sport avec l'équipe de l'USBCO a rappelé que l'USBCO s'est imposé hier soir 3-0 face à Les Herbiers. JF, tu es en direct du Vital Sport. Bah oui, je suis en direct de Saint-Martin-Boulogne, donc de Décathlon, et nous sommes au stand de l'USBCO avec une bonne nouvelle. Je crois que c'est déjà plusieurs bonnes nouvelles puisque l'USSO a déjà un bon parcours. Avant de parler des filles avec Frédéric qui vient de nous rejoindre, et c'est Jean-Paul qui va vous dire un peu sur ce match d'hier. Beau match face aux Herbiers. Oui, une très bonne victoire, 3-0, 3 beaux buts, du beau jeu, 0 but encaissé. C'est toujours intéressant pour tout le monde, pour les supporters. Pour les joueurs, le staff et puis pour nous, les éducateurs. On peut dire, on parlait tout à l'heure avec Frédéric, l'USBCO, pour l'instant, ben, c'est allé à sans faute, une bonne équipe. Ce sera la différence par rapport à l'année dernière. Il y a de petites ambitions, c'est de vous retrouver l'année prochaine en Ligue 2. On peut dire, c'est ça l'ambition du club de l'USBCO cette année, non? Tout à fait, c'est une des ambitions du club. Maintenant, nous sommes au début, la route est encore longue. Oui. Et il y a quand même une bonne équipe et c'est quand même bon pour démarrer. Je veux dire, le moral est pour l'instant est très bon pour l'USBCO. Tout à fait, il faut mieux être en haut, c'est toujours plus intéressant pour le moral, pour tout. Alors Jean-Paul, on va revenir sur le stand. Cet après-midi, il y a donc des joueurs qui viendront dédicacer l'affiche, à mon avis, du club, la photo de l'équipe. Il y aura Rémi Duterte, il y aura Teddy qui viendra, il y aura également Madou, il y a Antoine. C'est un programme chargé pour cet après-midi. Tu seras là également ? Oui, je serai là et les enfants vont pouvoir rencontrer ces joueurs et pouvoir avoir une photo dédicacée de tous ces joueurs. Alors toi, tu suis l'équipe première, mais également les filles également pour faire l'impro, pour balancer Frédéric. Oui, depuis cette saison, je suis adjoint de Frédéric Bouclet. Voilà, c'est formidable, donc on va parler filles maintenant avec Frédéric. Frédéric qui vient de nous rejoindre. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour. Alors merci de nous rejoindre, d'être toujours dispo. Hein. Quand il y a une interview, je t'appelle, tu es toujours présente. On peut dire que c'est une bonne nouvelle l'année dernière. Vous êtes donc monté, c'était la bonne nouvelle à l'USBCO. Cette année, vous allez arriver dans un championnat différent, peut-être plus compliqué. Oui, tout à fait. Donc on est arrivé donc en D2 féminine. Ça va être un championnat qui va deux fois plus vite, où les filles sont plus douées techniquement, tactiquement. Et donc on a un palier à franchir. Mais pour l'instant, on est encore en découverte. Donc et c'est sûr que... Pour nous, c'est une nouvelle étape à franchir, quoi. Alors, les filles, une bonne équipe, hein, des bonnes recrues. Tu m'as dit, il y avait une gardienne qui était très très bonne. Oui, donc on a étoffé un petit peu notre groupe, même si on souhaiterait encore avoir une ou deux recrues de niveau D2. Maintenant, on a récupéré quatre joueuses qui ont un potentiel intéressant. Une doublure au niveau de la gardienne, puisque Marion a dû déjà démarrer le premier match, étant donné que notre gardien numéro 1 était blessé. Donc, elle nous a sorti un bon petit match la semaine dernière, ce qui nous a permis de préserver notre match nul. Et au niveau des autres recrues, bon, on a des bonnes surprises. Maintenant, comme je vous dis, le groupe n'est pas encore bloqué et on aimerait bien même une recrue de niveau D2, ça serait super, quoi. Alors, on rappelle, c'était la bonne nouvelle l'année dernière, hein, puisque votre président était fier d'avoir son équipe féminine qui monte. Un championnat différent, peut-être compliqué, des équipes vraiment différentes. Oui, des équipes différentes, parce que forcément qu'il y a certaines équipes, l'équipe première masculine est en Ligue 1, d'autres en Ligue 2, donc ils ont des budgets aussi qui sont différents par rapport aux nôtres, et ce qui fait qu'on va se retrouver avec, par exemple, l'équipe féminine du LOSC, qui n'est pas du tout dans les mêmes ambitions que nous, puisque nous, on est sur un maintien, bien entendu, et tandis que le LOSC, lui, vise la montée en D1 féminine, donc étant donné qu'on n'a pas le même budget non plus, donc ça va être très compliqué lorsqu'on va rencontrer le LOSC, Arras, ou alors d'autres équipes qui sont descendues aussi de D1, par exemple comme La Roche-sur-Yon et Saint-Maur, par exemple. Donc forcément que ça peut être évident. Puis ensuite, il y a d'autres petites écuries, comme on a joué la semaine dernière, comme Reims, Stade de Reims, après Brest, etc., qui ont un bon recrutement. Et donc, ce ne sera pas évident du tout pour nous. On peut venir sur le match de Reims. C'était un match satisfaite de ton équipe. Alors, satisfaite, oui, parce que je pense que si on m'avait dit juste 5 minutes avant le coup d'envoi de signer pour un match nul, je le signais direct. Bien entendu que j'étais très satisfaite de mon groupe. Alors, on a subi un petit peu par moment, mais je pense aussi que c'était un match très ouvert et que à un moment donné, peut-être qu'on peut le gagner, le match, comme on peut très bien le perdre aussi dans les 10 dernières minutes. Donc, je pense que, oui, sur l'ensemble, j'étais satisfaite et c'est une bonne entrée en matière pour les filles. Ça met du baume au cœur, comme on dit, et ça donne envie de continuer dans cette optique-là, surtout que demain, nous partons à Rouen, et qu'à Rouen, il y a quelque chose à faire aussi, quoi. On espère une bonne nouvelle, comme la dernière fois. Un match nul. Si on arrivait déjà à aller chercher le match nul, je pense que ce serait déjà bien d'aller chercher un point à l'extérieur. Maintenant, si on revient avec la victoire, ce sera le paradis. Et voilà. Mais on essaiera d'aller faire du mieux possible là-bas, ça c'est sûr. Frédéric, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission spéciale Sport News, donc en direct ici à Saint-Martin-Boulogne. Mis à part la pluie, on peut dire que c'est une réussite. Mais bon, la trempée, c'est la sueur ou c'est la pluie? Ah, c'est la pluie, parce que là, je reviens juste de la séance des toutes petites, puisqu'on a une école de foot labellisée féminine maintenant. Et donc là, j'étais avec elle sur la séance. Donc bien sûr, par ce temps-là, l'éducateur est souvent soumis à la météo. Et donc justement, on est sur le Vitasport de Décathlon, dans le but aussi de récupérer encore quelques petites. L'effectif n'est pas clos non plus. Et justement, d'avoir des futures recrues pour les années à venir, quoi. On peut dire que tu mouilles le maillot, là. Oui, seul oui. Merci à toi. Tout de suite, retour à la musique. Merci Frédéric. Et puis, bonne chance pour cette, naturellement, cette nouvelle saison. Et puis, à bientôt sur Énergie. À bientôt. Voilà Quentin, tout de suite retour à la musique sur Énergie. On va terminer cette émission avec Thomas qui va venir normalement nous rejoindre et on vous retrouve naturellement tout au long de cette journée pour vivre ensemble Vital Sport ici à Décathlon, à Saint-Martin-Boulogne. Merci beaucoup mon petit JF et puis moi je peux vous dire que même si le temps n'est pas très clair aujourd'hui, on se fait ce son d'Alvaro Soler sur Énergie. Bonne matinée tout le monde. Les Sport News, l'essentiel du sport sur Énergie. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Eo, seo, eo. J'ai envie de dire, on est bien sur Énergie. Avec plus de 40 minutes de hit à la suite. Ce soir, 20h, Énergie Extravadance pour vous ambiancer juste à la sortie des boîtes. Et, ouais. Et demain, même heure, Mickaël qui va s'incruster dans votre radio. 20h, minuit, Mickaël avec toute l'équipe, Polo, Toff et Amina du Standard. Retour de vos plus de 40 minutes de hit à la suite avec Martin Garrix, Nico Evans et Lady Gaga. Découvrez ce soir sur Énergie les hits les plus regardés sur YouTube en France. C'est le hit. C'est le hit Énergie. 17h, 19h. Tous les samedis. Énergie vous diffuse les 30 hits les plus regardés en France sur YouTube. YouTube. Ah, c'est trop bien. Énergie. Le mois Carrefour. Waouh, regarde.

everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. Bon vieux son qu'on connaît bien, Nico Evans sur Energy. 10h midi, le week-end, place au sport. Et c'est déjà fini. Eh oui, c'est déjà fini. Il est temps pour nous de se quitter avec mon ami JF qui est au Vital Sport de Saint-Martin-les-Boulogne. Eh oui, on va terminer l'émission naturellement avec. On a ouvert le bal avec Thomas. On va terminer avec Thomas. On va revenir naturellement sur le rendez-vous du week-end parce que c'est pas terminé. Hein. Tout au long de ce week-end, vous allez pouvoir vivre le Vital Sport cet après-midi, demain matin, demain après-midi, avec. Allez, on veut le dire une grosse ambiance dans le magasin ici à Decathlon, Saint-Martin-Boulogne, Thomas. Oui, carrément. Là, on a le SOMB justement. Toute l'équipe s'est déplacée. Ça crée vraiment une grosse ambiance au niveau des caisses. Énormément de monde est venu justement pour admirer les joueurs et puis récupérer quelques dédicaces. On a également la même chose qui sera faite cet après-midi avec les joueurs de l'USBCO. On a Maxime Beaumont également en ce moment au niveau du magasin, là, le médaillé olympique. Avec la médaille. Tout à fait, exactement. Donc, le public justement apprécie énormément de voir ces stars du sport régional. Et ça crée vraiment une grosse ambiance. En plus, je me tourne là à l'instant vers la Tyrolienne, oui. Qui depuis ce matin, malgré le temps nuageux, n'a pas cessé une seule fois de fonctionner. Tous les enfants qui essayent cette Tyrolienne, elles sont vraiment fans et repartent avec un grand sourire. Donc n'hésitez vraiment pas à venir. C'est vraiment très très bien à voir malgré le temps nuageux. Est-ce que tu as essayé au moins la Tyrolienne? Ah, tout à fait, ouais. Je l'ai essayé cette semaine et franchement, je peux vous assurer que c'est vraiment très sympa. 50 mètres sur un parking comme ça, on n'a pas forcément une grande forêt autour de nous, mais ça permet de vraiment avoir la sensation de se lancer dans le vide, de se jeter de 8 mètres de haut et de traverser tout le parking à travers les arbres. Alors, c'est une bonne initiative, hein. Ça dure depuis longtemps, le Vital Sport. On rappelle, c'est une. Comment démarrer justement le Vital Sport? Ah, le Vital Sport, c'est vraiment ça, c'est pas moi qui l'ai clairement lancé, hein. C'est vraiment la politique de Decathlon qui a toujours été avec cette ligne directrice de se rapprocher vraiment des participants, des clients. Et nous, on a voulu se rapprocher justement de notre public. On en est à la 10e édition. et ça marche d'année en année. Là, on attendait 20 000 à 25 000 personnes. Bon, je pense qu'on sera un petit peu moins que nos ambitions malgré par rapport à la pluie. Mais en tout cas, il y a quand même énormément de monde au magasin. Donc, j'espère vraiment qu'on vous verra nombreux jusqu'à la fin de ce week-end parce que le temps va s'améliorer d'heure en heure. Alors, c'est un peu le souhait de Décathlon. Moi, j'ai vu à la télé sur M6 qu'on peut essayer le vélo, on peut essayer les patins, on peut essayer les rollers dans le magasin. C'est un peu à grande échelle à l'extérieur. Mais c'est exactement ça. Moi qui travaille également à l'intérieur du magasin depuis maintenant plusieurs années, il y a cette proximité entre le vendeur et le client en quelque sorte, même si là on ne parle pas de client du tout sur le Vital Sport. On est là pour proposer un maximum de sports. Les gens viennent s'essayer au Viet Vodao, au Cardio Golf, des sports vraiment en plus régionaux. Hein. Le Cardio Golf, c'est Ludovic Vampouille qui l'a lancé. Il est présent également. C'est quelqu'un de Saint-Martin-Boulogne. Donc il y a vraiment une réelle proximité. On voit les enfants en magasin qui circulent sur les trottinettes, les skateboards. C'est essayer. Si on n'essaye pas, jamais on arrivera à se lancer. Et la Vital Sport, c'est vraiment une opportunité pour ça. C'est que ça permet à des milliers de personnes d'essayer des sports avant de s'inscrire dans les clubs. Voilà, on rappelle cet après-midi. Il y a également demain, toute la journée. Exactement, demain jusqu'à 18h. Le parking sera ouvert. On a également beaucoup de démonstrations. On n'en a pas forcément parlé au cours des interventions. Voilà. Mais il y a un podium également. Et toutes les 15 minutes, on a un club qui vient démontrer exactement les talents de son art. Et ça ne cesse de tourner depuis ce matin. Donc franchement, c'est très très beau à voir malgré le temps gris. Thomas, merci pour l'accueil. On rappelle donc séance de dédicace USBC au cet après-midi. Actuellement, Maxime Beaumont est en train de dédicacer avec la médaille. Et les SOMB, il y aura peut-être que lui. Exactement, voilà. Donc je vous attends très très nombreux. Voilà, et puis pour le mot de la fin, un appel micro. Un vendeur d'autisme et demandez l'accueil, merci. Voilà, merci à vous. Tout de suite, retour à la musique sur l'énergie. Rendez-vous demain à 10h-12h et on viendra naturellement sur ce grand rendez-vous. Merci Thomas. Merci beaucoup. Salut à tous, tout de suite, retour à la musique. Merci Quentin pour la technique, à très bientôt. Merci mon petit JF, on se retrouve évidemment demain 10h-12h pour une nouvelle page de sport. Tout de suite, c'est Dimitri Vegas qui arrive. Montez le son, c'est bon.